check v'là thème qui t'annonce la couleur, le violet, celle qu'on préfère. On paye, nique sa mère, on paye. Rien n'est gratuit dans ce monde de chienne. La vie n'a pas de prix, pourtant on paye. Jusqu'à en rendre des comptes après le coup de paix. On paye, nique sa mère, on paye. Rien n'est gratuit dans ce monde de chienne. La vie n'a pas de prix, pourtant on paye. Jusqu'à en rendre des comptes après le coup de pelle. Depuis toujours on paye, endetté à perpétuité. À peine on a tous pris cette peine ferme. Cette coup de chlasse dans les reins. Tu paies pour vivre, tu paies pour crever. En fait on paie pour perdre. Ils croient que c'est un jeu, ces bâtards. Un match de baseball ou quoi. Ils se baladent avec des flashballs et nous avec des battes, c'est ça. C'est sale, on paye à la barre, on paye au ballon. Je veux que les keufs saignent sur le trottoir. Je crois vraiment que si je te braque, t'auras la chance que mon arme s'enraye. Allez, danse sur le trottoir, faut que j'entre un son qui paye. Cri de guerre suivi de cri de haine. Elle me tasse les mais toute ma date. Dalleux, damné à vie, amené à mort. Tu veux fumer pour calmer les bails, gars. Alors paye. L'État veut nous endormir, mais même quand je dors, je paye. La vie, c'est comme cette rayure sur le skeut. Les soucis qui se répètent et tournent en boucle. On vit, on meurt, on fume, on dort, en gros, on paye. On saigne. On paye, nique sa mère, on paye. Rien n'est gratuit dans ce monde de chienne. La vie n'a pas de prix, pourtant on paye. Jusqu'à en rendre des comptes après le coup de paix. On paye, nique sa mère, on paye. Rien n'est gratuit dans ce monde de chienne. La vie n'a pas de prix, pourtant on paye. Jusqu'à en rendre des comptes après le coup de pelle.